Alors, allô, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici? Bonjour, ouais, en fait, moi je suis un programmé NOTS, puis on est ici pour parler de l'idée de faire une lutte anticolonialiste en même temps que la lutte Idle No More. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Pourquoi faire une lutte anticolonialiste en même temps qu'Idle No More? Parce que Idle No More, ça vient d'un mouvement de quatre femmes qui ont décidé de partir une lutte contre une loi qui a été mise en place par le gouvernement Harper. Mais moi, je crois que, puis je pense qu'on est beaucoup à penser ça, que la lutte va plus loin qu'une simple loi, c'est-à-dire que même si on réussit à battre cette loi-là, la politique d'assimilation qui perdure depuis 400 ans est encore bien réelle. Donc, c'est pas une loi la problématique. La problématique, c'est la colonisation, c'est l'assimilation des Premières Nations par le biais de développement économique, éducatif et toutes les séries de mesures pour enlever les pouvoirs aux Premières Nations. Je pense que l'idée d'Idle No More est bien pour réunir les gens, les amener à avoir une conscience de la lutte, mais que le réel gain pour tout peuple colonisé est d'entamer une décolonisation. Beaucoup de monde ont été critiques par rapport au lien entre Idle No More, puis les conseils de bande et l'Assemblée des Premières Nations. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je crois que les conseils de bande, c'est clairement une structure qui a été créée pour remplacer les surintendants, ça c'est clair. Puis, tant aussi longtemps qu'on va fonctionner avec des gens qui sont sous une structure qui est faite pour encourager l'assimilation, on ne pourra pas vouloir avoir vraiment une indépendance. Traditionnellement, on avait des façons de fonctionner qui fonctionnaient depuis 12 000 ans. Donc, personnellement, mais pas juste personnellement, je pense qu'on est beaucoup à croire que les conseils de bande sont un moyen pour justement nous contrôler et accentuer l'assimilation. En plus, on voit dans toutes les communautés ou presque que les conseils de bande sont de mèche avec les gouvernements et beaucoup de gens politiques sont là pour s'enrichir. C'est-à-dire, on peut prendre un exemple. En fait, ce qui se passe dans les conseils de bande, c'est que dans les communautés, comme mettons au Québec, on a quatre paliers de gouvernement, provincial, fédéral, municipal, puis commission scolaire. Tandis que dans les communautés, t'as le gouvernement qui donne un certain montant, et c'est le conseil de bande, sa méga structure, qui contrôle où va aller l'argent et comment l'investir et tout ça. C'est des gens qui contrôlent ça, qui font extrêmement de l'argent. C'est-à-dire, on voit des salaires parfois dépassant 100 000 $, pas d'impôts. Quand ta communauté, il y a des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui sont dans des conditions assez extrêmes de pauvreté. Donc, un peu à l'image de la politique canadienne ou québécoise ou toute cette politique colonialiste, les conseils de bande vont dans la même direction que ça. Puis, ils sont pas du tout à l'écoute de leur population. C'est dans le sens que dans nos communautés, on a tout le temps été un principe de communauté. Donc, on peut prendre des décisions ensemble. Tout le monde le sait, mais on n'est toujours pas consulté. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que ça te dit, toi, la rencontre entre Stephen Harper et les chefs, les soi-disant chefs autochtones? Ben, c'est Harper qui a choisi des chefs pour négocier avec, pour calmer un peu le jeu. Mais ce qui va probablement arriver, dans ma vision à moi, ça va être que le gouvernement va laisser pourrir le problème comme ça. Il y a sûrement des gens qui vont perdre patience, vont poser des actes plus intenses. Là, ils vont utiliser ça pour faire la division du mouvement. Puis on verra qu'est-ce qui va arriver après, si on va rester unis ou si on va pas l'être. Mais c'est ce que je pressens. Puis les chefs, quand comme la PNQL, ils vont négocier avec le gouvernement Harper. Ils donnent une raison justement d'aller vers cette direction-là, c'est-à-dire que oui, ils veulent négocier, même si le cri d'unité avait dit de boycotter cette assemblée-là. Les gens ont été pour un intérêt personnel quand on parle d'autonomie, des territoires et tout ça. Je pense que une décolonisation ne va pas de pair avec une négociation avec le gouvernement. Une décolonisation va de pair avec une prise en charge du peuple de nos façons de fonctionner, puis l'exiger, non le négocier. Tu parlais de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Ouais, la PNQL avec Justin Picard, c'est très très mitigé, ça même dans le milieu autochtone. Il y a beaucoup de gens qui sont contre cette façon de fonctionner-là parce que c'est des gens qui vont s'asseoir avec les big shots, qui ont aucune façon de faire, qui on pourrait dire traditionnelle. C'est une structure gouvernementale créée pour un peu discuter avec des big shots autochtones, avec des big shots canadiens, pour essayer de faire comme s'il y avait une bonne entente, mais dans le fond, ils ne parlent même pas d'égal à égal. Puis quand ils continuent à perdurer dans une relation de non-égalité, ils sont juste des marionnettes, dans le fond, parce que ils ont aucun pouvoir décisionnel. C'est-à-dire que nos nations, on serait censé avoir autant de pouvoir que le gouvernement, quand il nous parle, devrait nous parler d'égal à égal. Mais c'est ça l'assimilation, c'est ça la colonisation. On parle toujours comme des gens inférieurs au niveau gouvernemental. Puis ces gens-là qui restent dans ces structures-là ne font qu'encourager ce système de domination-là, qui est néfaste à long terme. Comment tu sens le support des non-autochtones et comment tu entrevois la meilleure façon de s'impliquer en tant que non-autochtone dans ces combats-là? J'aime bien ce que je vois du support non autochtone. C'est sûr que Il y a certains débats qu'il y a toujours eu par rapport à les moyens d'action, puis tout ça. Mais je pense que l'implication non autochtone doit se faire en soutien. C'est-à-dire que souvent, on voit beaucoup de... Les anarchistes veulent beaucoup s'impliquer, d'autres groupes aussi. Mais il faut comprendre que cette lutte-là, c'est une lutte autochtone. Fait que le but, c'est de soutenir la lutte, peu importe où elle va, puis d'être capable d'aller au même niveau que cette lutte-là. Mais c'est clairement les autochtones qui doivent prendre les devants de cette lutte-là. Il y a des autochtones qui disent qu'une des choses qui est aussi importante pour nous en tant que non-autochtones, c'est de ne pas supporter justement les conseils de bande et l'Assemblée des Premières Nations. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à suivre le flot du spectacle, des manifestations, tout ça, puis à appuyer ça sans regard critique, sans distance critique. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est clair que quand on commence à parler d'un chef qui vient puis qu'il commence à parler de la tradition puis tout ça, les gens sont souvent impressionnés par rapport à sa stature. Puis faut avoir un regard critique, faut s'informer sur qu'est-ce que c'est qu'un conseil de bande, puis avoir les deux côtés de la médaille pour pouvoir faire justement une décision critique, parce que c'est des choses qui sont assez complexes. Puis je pense que l'important, c'est d'avoir un regard critique. C'est pas juste de quand tu as un mot traditionnel dans ton conseil, que c'est nécessairement quelque chose de supérieur ou de quelque chose de mythique, spirituel. Il faut avoir un regard critique. Comment tu vois la loi C-45? Mais la loi C-45, pour moi, c'est une aberration. Il y a plusieurs volets dans la loi, elle est assez épaisse, mais si on regarde qu'est-ce qui va arriver avec le droit d'avoir des terres sur les réserves autochtones, c'est un peu la phase finale de l'assimilation, c'est-à-dire que même dans nos réserves, qui est pas quelque chose que je considère bon, mais qui est quand même quelque chose qu'on peut garder, puis qu'on peut vivre notre culture dedans, puis se protéger entre nous, décider comment on développe. Mais si on laisse la porte ouverte aux entreprises de venir s'installer dans nos réserves, c'est comme de dire qu'on donne le plein pouvoir du développement économique, du développement tout court, aux non-autochtones, aux corporations, aux big boss. Puis ça, c'est vraiment néfaste. Au niveau de la protection du territoire, c'est dégoûtant. On a toujours été dans une tradition que le territoire était d'une importance capitale pour nous. On a vécu pendant des milliers d'années ici sans avoir un impact. Là, on est dans une politique d'assimilation, on est conquis depuis 400 ans. Puis si on regarde les dégâts qui ont été faits depuis 400 ans, c'est complètement aberrant que ça puisse continuer. Là, c'est complètement néfaste. Quand on parle de déprotéger presque tous les lacs et rivières, moi, chez moi, j'ai une rivière qu'on a depuis toujours, puis j'ai pas l'intention de les laisser jamais toucher ma rivière. J'ai même l'intention de les laisser faire une mine sur mon territoire de chasse. Ça, c'est clair dans ma tête. Mais d'après moi, les autres autochtones vont aller dans cette direction-là aussi. Par rapport à ça, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais il y a les Inuits de Mashtayash, est-ce que je peux le dire? Ouais. Dont tu viens, qui sont en opposition à un barrage. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu plus de ça? Ben ça encore, c'est une histoire assez intéressante, que ça s'est fait un peu sous la couverte, que le conseil de bande avec plusieurs alliés ont décidé de faire un développement économique sur cette chute-là sans nécessairement demander l'avis à personne dans la communauté. Là, il y a eu un mouvement qui a été commencé en dehors de la communauté, puis qui ont été parlé avec les gens de la communauté, puis un mouvement qui s'est commencé aussi dans la communauté, qui a eu des pétitions signées pour justement annuler ce barrage-là, puis tout ça. Fait que c'est un exemple de lutte, c'est-à-dire que ce barrage-là est un point de départ de lutte. Parce que si on regarde partout au Québec, il y a les Inuits pour le barrage de Vache-Albert, il y a les Inuits pour la rivière Romaine, il y a eu les Atikamekw qui se sont battus cette année pour les coupes à blanc. Puis après ça, il y a les Algonquins à Poigan qui se sont battus aussi cette année. Fait que il y a comme un ras-le-bol général de dire que ça va tout passer. Les projets, ils passeront pas tous. On a le droit aussi de décider. Puis c'est pas vrai que c'est juste des gens qui font de l'argent sur ces projets-là qui vont décider pour nous qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. Est-ce que c'est important aussi pour tout le monde, dans le fond, de comprendre que les communautés sont pas homogènes, qu'il y a des divisions internes comme il y en a chez les Blancs aussi? Puis qu'il y a des gens qui visent plus à récupérer ça d'un point de vue capitaliste pour faire de l'argent avec leur communauté, alors qu'il y a des gens dans la communauté qui s'opposent à ces projets-là pour la défense autant de l'environnement que de leur tradition. Ça va toujours en avoir des divisions comme ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont plus des regards capitalistes. On voit la même chose, c'est-à-dire l'assimilation se fait à vitesse grand V dans nos communautés. Mais je pense que dans la lutte, il y a beaucoup de discussions qui vont avoir lieu, puis il y a beaucoup de choses qui vont changer. Puis il reste à voir si notre culture va perdurer ou bien si elle va juste simplement disparaître. Mais moi, je dirais pas que j'ai espoir, mais pour les prochaines générations, la seule chose que je peux faire pour qu'il y ait un avenir pour eux, c'est de lutter. Puis je pense que chez les Autochtones, on a beaucoup de conscience de ça. Fait que oui, il y a des divisions, mais c'est pas ça qu'il faut qu'ils nous empêchent de lutter, je pense. Puis là, on parlait du contingent anticolonialiste. Tu peux nous en parler un peu plus? Puis ça a origine de où? Ben, c'est une idée qu'on a eue ici, puis justement, en s'inspirant un peu des contingents anticolonialistes qui est un peu partout aux États-Unis, mettons Columbus Day, puis tout ça. Puis à toutes les luttes anticolonialistes qui est partout dans le monde, les apatistes, les mapuchés, je pense que il faut qu'on amène ce message-là aussi. Je pense que le message est pas assez répandu dans le mouvement Iron No More en ce moment. Fait que je pense que d'aller mettre une présence, aller semer des idées, aller se montrer que notre position anticolonialiste va faire des petits un peu partout aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a déjà des groupes qui sont anticolonialistes, si on pense à la War Society ou d'autres groupes comme ça, qui ont des positions assez tranchées par rapport à ça aussi. Puis je pense que c'est important de mettre ça de l'avant aussi, mais c'est primordial. Hein. Alors, si les gens veulent lire plus sur la décolonisation, qu'est-ce que tu conseilles? Il y a les publications Warrior sur Internet, Warrior Publication, en fait. Puis ça, c'est quand même très intéressant. Sinon... de s'inspirer un peu des luttes qu'il y a un peu partout, je pense que ça peut être intéressant. C'est-à-dire que la décolonisation, il y en a eu depuis longtemps, partout. C'est important de voir aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Peut-être qu'au Canada, on n'a peut-être pas été encore aussi loin dans cette idée-là, mais cette idée-là, elle existe puis elle est nécessaire. Puis, en tant qu'Inou, est-ce qu'il y a des références que tu pourrais envoyer les gens pour lire sur l'histoire? De vos communautés. De nos communautés, il y a un grand livre qui existe sur l'histoire des Pequot-Cominnuts, mais qui est quand même difficile à trouver. Les recueils sont assez durs à trouver. Il y a Serge Bouchard qui fait quand même des choses intéressantes, mais disons qu'il y a un manque d'anthropologie autochtone faite par des autochtones. C'est beaucoup évalué par d'autres personnes. La meilleure façon de s'informer, c'est d'aller visiter nos communautés puis de venir nous parler. On vient d'une tradition orale, donc il y a quelque chose dans la discussion qui apporte beaucoup plus qu'aller lire un livre sur une culture. Une culture, ça s'apprend, ça se vit avec des contacts humains. Donc, c'est d'aller lutter avec nous. Elle nous rencontrer. C'est une bonne façon de vous rencontrer, mais comment? Parce qu'on peut pas faire ça n'importe comment. Parce qu'il y a eu des visites qui ont coûté cher à l'histoire des peuples autochtones. Ouais, je pense que c'est d'attendre les chances. Les chances vont venir. Si les gens sont intéressés à lutter avec les autochtones, c'est d'y aller de manière humble. Puis les gens vont le sentir, ça. Puis on n'a jamais mis personne dehors de nos luttes. Mais il faut y aller avec une idée humble. Puis le moment est opportun, justement. Merci. De rien. Puis aussi, je voudrais mettre l'accent aussi sur deux personnes qui font une grève de la faim, que j'admire beaucoup, Chanette puis Anish Volant. Je pense que, en tout cas, pour avoir connu Chanette, je trouve que c'est une femme qui est incroyable, qui a vraiment l'esprit de la lutte, comme nous, on devrait s'inspirer. Puis, ils sont depuis 14 jours en grève de la faim en ce moment. L'idée de créer un contingent anticolonialiste, l'idée de pousser la lutte, c'est un peu à ça aussi, parce que je sais que là-bas, il y a des gens qui sont en train de donner leur vie, puis ça va plus loin qu'un mouvement spontané, qu'on est heureux de se rencontrer. Non, il y a des gens qui luttent, puis ils sont prêts à donner leur vie, fait qu'on se doit de les appuyer jusqu'au bout, peu importe. Dans quel sens politique qu'ils font leur grève de faim? Parce qu'il y a toutes sortes de grèves de faim en ce moment qui sont pas nécessairement reliées aux mêmes causes. Mais moi, connaissant Chanette, je sais qu'elle doit le faire en soutien avec la chef Spence, mais elle fait en soutien aussi par rapport à toute la lutte autochtone, parce que je pense qu'elle a une idée assez développée aussi de... qu'est-ce que la lutte autochtone, puis où est-ce qu'elle est prête à aller pour ça, puis pourquoi elle est prête à aller pour ça. Je parle de décolonisation, puis de ça, mais pourquoi ça? C'est parce qu'on veut entrevoir un avenir pour nos petits-enfants, nos enfants, puis on veut pas que notre territoire soit saccagé, on veut pouvoir encore vivre notre territoire. T'sais, moi, mon oncle qui me disait que quand elle est dans la forêt, c'était désert, que c'était rendu désert, t'sais. Puis c'est vrai, ça, c'est quand des aînés te disent « Ah, ben cette plante-là, on n'a pas de nom en Innu pour cette plante-là. Pourquoi? Parce qu'elle était pas là avant. » Tu te dis, ouais, mais pourquoi il n'était pas là? Ben, c'est le réchauffement climatique. On les voit, les changements dans le territoire. On les voit que ça achève. Puis on dirait que, vu que les gens ne sont pas beaucoup dans le territoire, ils s'en rendent pas compte. Mais nous, on s'en rend compte. Quand on disait traditionnellement que chaque action qu'on posait, on posait en conséquence des prochaines générations. Mais comme je disais tantôt, moi, pour les prochaines générations, la seule chose qui nous reste, c'est de lutter justement parce que notre Nitassinan est en train de se faire voler. Là.